commence juste avec une grosse basse. Après on rajoute le reste. Allez tous niquez vos... ouais. Pareil que c'est lourd. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, lâche l'affaire. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, non, le con de ta mère. Carreau noir sur la gueule comme Sylvester en deux. Toujours hal comme ce vieux Chuck, je suis expandable. Spante, toi reste pas planté la cista. Comme dans Spartacus, tombe ta putain de peu ça. Je te casse là. Pas le temps pour les notes, juste des gros fights. Fuck le reste. Dans ma team, je fais figure des nomains. Appelle-moi docteur et ou coach Carter. Les mains dans la merde ou dans une paire de mitaines. C'est l'heure de tester ces mecs. Dans la street, je fais de l'ombre comme un abribus. 4 ans d'envergure, appelle cette doctoresse. Qu'elle prenne un double décimètre pour mesurer le steak. Je viens vous clouer le bec. Le micro comme une massette. Les yeux rivés sur l'assiette. Peu m'importe le reste. Peu m'importe le game, je m'emporte dans le texte. Quand je kick le beat avec des rimes de merde à la putain de sa mère. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, lâche l'affaire. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème, non. T'es pas un peu dingue. C'était bonne ma chère, Red Bull me donne des ailes. Ramène ton boule en vitesse, je te donne du zèle. Prépare la bouffe comme ta grand-mère. Ramène ton crew qu'on fasse la fête. T'aimes pas les coups, donc viens pas test. T'as pas les couilles, mec, lâche l'affaire, je reprends mon souffle. Comme dans le morceau, avec Benny, Benny, Blank, ça sent le souffle. Comme pour 50 many, many men. Veulent me voir siffler sous terre, donc t'étais déjà dead. Veulent me voir sortir du game, mais je sors à peine les toilettes. T'avais encore des dentelés, j'arrachais les dentelles. J'ai des années de métier, je connais toutes les ficelles ou presse. Appelle cette doctoresse du premier pour qu'elle m'aide à finir ce 16. Appelle-moi docteur ou seulement boss de mon bel. Appelle docteur House pour soigner tes seufs. Je débarque en ville, oh merde, voilà le Godfather. Ok, baisse les yeux et ferme ta gueule. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, lâche l'affaire. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, écoute ouais. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, lâche l'affaire. Quelques rimes de merde, fuck le reste, une bonne paire de fesses. Faut que je la pète, tu dis cette meuf est fraîche. Faut que je la serre, tu cherches un putain de thème. Non, lâche l'affaire. Ça t'ennuierait que je te laisse les couilles? Allez-y, ça ne m'ennuie pas du tout. On apprendra plus tard à se connaître.